dominicaine s'en va les pieds nus embrasser le beau Jésus. Et le peintre fou sur sa toile un été apprivoise un soleil sur les blés. Chacun voit le monde à chacun sa façon. Chacun sa façon, pour vivre il y a mille raisons.